vie c'est déjà loin et j'ai pas le temps de les écouter. Mais laisse les qui broient, de toute façon je suis dans mes projets. Ma vie c'est déjà loin et j'ai pas le temps de les écouter. Mais laisse les qui broient, là j'ai d'autres chats à fouetter. J'arrive en mode BZ, dans les écouteurs et que tu énerves. Mon avis l'un de mes proches du décès. Nique ta mère, tu m'aimes pas, je t'aime pas. N'envoie pas ton compte pour arranger les choses. Tu crois que je t'ai oublié, mais moi j'oublie pas. La vengeance c'est un plat qui se mange froid. Ramène tes frères, ton père, tes soeurs et toute ta famille. De mauvaise humeur, je suis pas très poli. Mais sans déconner, ramène tes collègues pour tout te dire. Je te baisse, je t'enterre et puis j'encaisse. J'ai le maniement des mots, demande à mon équipe. La se met à la montre, en plus tu veux vivre. Remarque les signes, ça fait peur. On se rapproche de la fin du monde, tu vois tes minotes, acte minu, entouré d'hommes, fêté des minuit. Je vois tes minots qui veulent le million, car là je cavale, ils veulent les manettes. Pas la peine de parler pour amener le salaire, les bonbons, les PCR sont dans la galère. On va t'allumer, on n'est pas les mêmes, on n'a pas le même délire, ne fais pas le mec. On en a commis des délits, mais pas les mêmes, ok, demande à bénir, on est contrôlé le périmètre. C'est comme le bloc, tu peux pas m'éviter, ça sort du hall, du A. On les pèse en freestyle, NOPS, ne t'as pas de cristal, ne t'as pas de cristal, j'entends pas de piston, cric cric bang, on les pèse en style. Laissez-les moi, je m'en occupe. C'est ce qui va accélérer, je prends les soins à coups de poing. Madame, mon ami, ne m'aime pas, m'écoute pas. Demande-moi mon avis, mon navire ne coule pas. Mon navire ne coule pas, si t'aimes pas, n'écoute pas. Je fais mon job et goodbye, mon équipe ne doute pas. Eh, elle est belle et qu'on les baise en freestyle. Eh, non, PS, ne tape pas de cristal, ne tape pas de cristal. J'ai des potos qui style, des potos qui stack, des potos qui s'installent, qui bougent au Pakistan. Le monde n'est pas si stone, protégez vos systèmes. L'assistance, c'est le but du système. On n'a jamais aimé l'état, on n'a jamais aimé les faux. T'as jamais rappé dans les temps, on a toujours eu du flow. Mon esprit c'est comme t'es, j'ai déjà comme t'es. Que ça te tape, ça tarde pas. Premier couplet, tu vois et venir. Mais avant le refrain, tu deviens tout pâle. Bientôt, on fit avec des petits, tu parles avec des petits. Ouais, ça y est, motherfucker, weapons. Peut-être y'a des signes, peut-être pas signe, peut-être. Ouais, ça, tu connais les rebelles. Le PS c'est comme le bloc, tu peux pas m'éviter. Ça sort du hall, du A, du corps, tu peux pas m'imiter. T'inquiète même pas, on les pèse en freestyle. Et non, PS, ne t'as pas de cristal, ne t'as pas de cristal. J'entends pas de piston, cric cric bang, on les baise en style. Laissez-les moi, je m'en occupe. Laissez-les moi, je m'en occupe. Laissez-les moi, je m'en occupe. Laissez-les moi, je m'en occupe. Ma vie c'est déjà loin, j'ai pas le temps de les écouter. Mais laisse les qui broient, toute façon je suis dans mes projets. Ma vie c'est déjà loin, j'ai pas le temps de les écouter. Mais laisse les qui broient, là j'ai d'autres chats à fouetter. On les baise et on style, on les baise et on style. Cric cric bang, on les baise et on style, on les baise et on style. Un PSC comme le bloc, tu peux pas m'éviter. Ça sort du hall, du A, du corps, tu peux pas m'imiter. T'inquiète même pas, on les baise en freestyle. Un PS, ne t'as pas de cristal, ne t'as pas de.